Mercredi 19h-19h30, Midi Fadjet, l'émission des émissions de Fadjet. Bonsoir à vous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de Made in Fadjet, l'émission qui vous fait voyager au travers des différents programmes de Fadjet. Et ce soir, nous allons partir à la découverte d'une émission pleine de soleil que vous retrouvez tous les samedis entre 12h et 13h. Attention, gros indice. Actualité d'ici d'ailleurs sur Radio Fadjet 94.2 tous les samedis de midi à 13h. Émission Tiziri de l'association de culture berbère de Nancy. C'est facile, c'est pas facile. Venez découvrir la culture berbère, les leçons de Mazir, revue de presse, Armis, Dico, Amawel, chronique, Akhouchem, musique, Chna, agenda, Souders. Soyez à l'écoute à la découverte de la culture berbère tous les samedis de midi à 13h. Et voilà, on vous a donné un énorme indice pour vous présenter l'émission qui est à l'honneur ce soir dans Made in Fadjet. C'est bien sûr l'émission Tiziri, une émission même emblématique de la grille des programmes de Fadjet. On y reviendra avec Yolande, qui est d'ailleurs mon invitée du soir. Bonsoir Yolande. Bonsoir Fabienne. Alors Yolande, comment on peut vous présenter comme animatrice de Tiziri, mais plus que ça même? Je suis la coordinatrice de l'émission. Coordinatrice en chef. Alors, oui. Coordinatrice parce que en fait, Tiziri est animée par beaucoup d'animateurs. Oui, en tout, nous sommes plus d'une dizaine entre la technique et les diverses chroniques. Mm-hmm. Où on se relaie suivant les emplois du temps des gens. Exactement. Donc, c'est vous qui coordonnez un petit peu tout ça. Et moi, je suis toujours là toutes les semaines. Donc, c'est pour ça que je suis la coordinatrice. Voilà, exactement. Et c'est vous qui faites le relais entre les uns et les autres, en oui, fait. Oui, oui. Voilà. Alors, Tiziri, émission de culture berbère. Donc, on va reprendre un petit peu chacun des mots que je viens de prononcer. Donc, déjà, Tiziri, ça veut dire quoi? Ça veut dire clair de lune. En berbère. En kabyle. En kabyle. Alors, justement, la différence entre kabyle et berbère, c'est peut-être... Eh bien, la langue berbère, c'est la langue mère. Oui. Donc, le monde berbère, c'est un monde, toute l'Afrique du Nord, même mm-hmm. une partie des îles Canaries, et aussi un petit peu plus bas en Afrique, Mali, Niger, tout ça, c'est le monde berbère. D'accord. Donc, anciennement, il y avait une langue, la langue berbère, mm-hmm. et la langue kabyle était un petit peu... Issue de cette langue berbère. Donc c'est arrivé après, c'est ça en fait. La langue kabyle est arrivée après la langue berbère. Oui, certainement, c'est ça. Avec les kabyles. Avec les kabyles, voilà. Donc voilà, il y a quand même une différence entre berbère et kabyle. Les kabyles font partie du monde berbère. D'accord, c'est un sous-groupe. Vous voyez que vous apprenez des choses, même dans Made in Fadjet, tous les mercredis à 19h. Et si vous voulez en savoir plus, bien sûr, donc c'est dans l'émission Tiziri, parce que c'est ça le concept aussi de cette émission Tiziri, c'est de faire découvrir cette culture berbère. Voilà, hein, du monde berbère. Du monde berbère. Et particulièrement de la Kabylie. D'accord. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans cette émission? Comment est-ce que vous y prenez pour nous faire découvrir votre culture, en fait? Parce que la culture, c'est très large, ça a des aspects très différents. Oui, donc, mais qu'est-ce on parle aussi de culture française de temps en temps, mm-hmm. Parce qu'on est tous... on est en France, donc bien on sûr. Parle aussi de la culture française. Donc, c'est un mélange. Oui, c'est un mélange. En fait, c'est une émission franco-kabyle. Exactement. Bilingue. Bilingue. Donc, vous pouvez à la fois aussi apprendre... un petit peu des mots berbères, parce oui, qu'il me semble que... Déjà, Azoul, voilà. On commence toujours par Azoul Felawen, ça veut dire salut à tout le monde. Voilà, en gros, c'est le bonjour... Oui, hein, oui ça. Mais ça, c'est bonjour vraiment chez tous les berbères. D'accord. Azoul, c'est pas seulement kabyle, c'est berbère. D'accord. Donc Azoul, ça, voilà, c'est un mot qu'on entend très régulièrement dans cette émission. Oui. Et vous le disiez à l'instant, effectivement, Tiziri, c'est une émission bilingue, donc on peut comprendre aussi, c'est pas réservé uniquement aux gens issus de votre culture, au contraire, c'est permettre de découvrir votre culture à des Français aussi. Oui, on accepte tout le monde, toutes les nationalités, avec vraiment beaucoup de plaisir. Moi-même, je suis normande, je ne suis pas kabyle, mais mon mari et ma belle-famille sont kabyles, par contre. Alors ça, c'est original et c'est une belle rencontre interculturelle. Donc, et votre mari, il fait l'émission ? Aussi, non, il participe. Non, mon mari il n'a pas le temps. D'accord. Non. Donc c'est vous qui êtes normande qui faites l'émission Tiziri de culture berbère parce que vous avez épousé en fait un kabyle. Voilà. Donc ça c'est rigolo. Mais par contre mes enfants viennent de temps en temps. Ma fille faisait la technique et mon fils vient de temps en temps faire des petites chroniques. D'accord. Donc c'est très familial aussi. Oui, l'association c'est ça, c'est très très familial. On y reviendra après parce que du coup effectivement Tiziri est portée par une association en fait qui est l'ACB 54, donc on en reparlera tout à l'heure. Donc Tiziri clair de lune, hein, donc ça veut dire ça tout simplement, mais ça c'est le titre d'origine de cette émission, donc peut-être que vous ne savez pas pourquoi ça a été choisi. Ah non, ça je ne peux pas vous le dire. Parce que effectivement cette émission Tiziri existe depuis plus d'une vingtaine d'années sur l'antenne de Fadjet, et c'était vraiment aussi une ouverture à l'époque où on souhaitait effectivement qu'il y ait de plus en plus d'émissions culturelles qui aient leur place sur l'antenne de Fadjet, et non pas pour faire du communautarisme, mais au contraire, pour casser le communautarisme. C'est exactement ça, et ça je crois que vous y tenez beaucoup. Oui, c'est très émission. Important dans les valeurs de l'ACB, c'est ça. On porte les valeurs de la République, la laïcité, la citoyenneté, la fraternité. Et la rencontre entre des gens d'horizons différents. De tous les horizons. Voilà, donc c'est bien pour ça que ça s'est bien rencontré entre Tiziri et Fadjet, parce Tout que c'est fait. Aussi ce qu'on a envie de proposer sur notre antenne. Alors revenons à Tiziri, concrètement, le programme, le détail de cette émission, quelles sont un peu les grandes chroniques qu'on peut retrouver régulièrement pour donner envie à nos auditeurs. Après avoir donc salué tout le monde, on parle des actualités du pays, un petit peu. Quelquefois, quand il y a des grands événements, même français, on en parle aussi. Et ensuite, suivant les animateurs qui sont là, chacun a préparé une petite chronique. Donc ça peut être de la cuisine, de l'histoire, de la science, vraiment c'est très très varié. Par contre moi c'est surtout, vraiment c'est culturel mes chroniques. Culturel. Je parle plutôt du bled, mais ancien. D'accord. Les ancêtres, le terroir, en fait. La ruralité, moi c'est vraiment ma spécialité. Ce qui a fait la spécificité de ce peuple, en fait, berbère, c'est ça ? Oui, parce qu'au départ, c'est un peuple rural, d'accord. Les Kabyles. Et donc vous, effectivement, on le sent bien, hein, en fait, vous n'êtes pas d'origine Kabyle, vous avez épousé un Kabyle, et donc on sent que vous êtes presque aujourd'hui, vous, Kabyle. Oui, oui, parce bien que sûr. Parce que c'est vraiment une culture qui vous intéresse. Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? C'est vous, une dans culture cette... qui me parle à moi depuis toujours. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous parle concrètement? Parce que c'est un monde rural, paysan. Moi-même, je suis issue d'une famille de la paysannerie normande. Donc, j'ai trouvé beaucoup d'affinités. Je me suis trouvé beaucoup d'affinités avec la culture kabyle. Et puis, peut-être un peuple qui a aussi les pieds sur terre. Ah oui, c'est oui. un peu ça. Oui. Hein, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. On dit les Amazirs, c'est-à-dire les hommes libres. Ça, c'est un beau mot aussi. Oui. Azoul, Amazir, on apprend des mots kabyles qui ont vraiment un sens fort. Donc, vous disiez plus d'une dizaine d'animateurs qui se relaient. Oui, quelquefois on peut être 5, 6 ou quelquefois seulement 2, ça dépend des semaines. Voilà, exactement. Donc, ça aussi, ce sont des bénévoles, on le rappelle. Nous sommes tous des bénévoles. Voilà, à Fadjet, on est tous bénévoles presque aussi. Et du coup, effectivement, chacun amène aussi peut-être sa spécificité et je dirais ses centres d'intérêt. Hein, vous, c'est la culture et d'autres peuvent avoir aussi plus le côté cuisine. Donc, on peut apprendre à faire des recettes aussi qui viennent de chez vous. Voilà, vous nous partagez un peu tout ça. Vous faites aussi un peu le tour de l'actualité. Ça arrive, ça aussi. Vous prenez des actualités quand l'actualité, il y a beaucoup de choses... des choses graves, mmh. ben, on se sent quand même obligé d'en parler aussi. Voilà, aussi une émission un peu engagée, hein, en même temps, tout en respectant effectivement la liberté de penser de chacun, les uns et les autres. Voilà, c'est vraiment... Oui, nous, la plupart d'entre nous, nous sommes des militants. Oui, exactement. Et on y reviendra tout à l'heure, on présentera plus en détail l'ACB 54, l'Association de Culture Berbère, hein, qui porte un peu cette émission et d'où vient en fait l'émission Tiziri. Alors, il y a de la musique aussi régulièrement dans cette émission Tiziri. Oui, bon, évidemment, la musique principalement kabyle pour le moment. Bon, peut-être qu'un jour, on mettra un petit peu autre chose, mais pour le moment, on continue comme ça. Alors, on va écouter tout de suite un premier morceau de, je dirais, de l'ambassadeur, hein, c'est ça de, l'ambassadeur de la musique kabyle. C'est Idir. C'est Idir. Alors, vous pouvez nous le présenter quand même, parce que c'est un personnage, au-delà de la chanson, enfin, en travers la chanson, il a vraiment un vrai message militant. Oui, aussi, lui aussi, c'est un militant. Donc, on peut dire d'Idir que c'est un homme qui a déjà une soixantaine d'années. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas un tout jeune. Et c'est il chante dans le monde entier, en kabyle, en français. Et il aime chanter aussi avec des artistes du monde entier. Mm-hmm. Donc, il va porter la culture kabyle partout dans le monde. Donc, c'est vraiment l'ambassadeur de la musique et de la chanson kabyle. Eh bien, on l'écoute tout de suite dans Made in Fadjet. Je me dis, regardez-les, mais il est horrible. jusqu'à 19h30, c'est Made in Fadjet, l'émission des émissions de Fadjet. Made in Fadjet. Et c'est Tiziri, l'émission qui est à l'honneur ce soir dans Made in Fadjet. Et c'est Yolande qui est dans nos studios pour nous en parler, nous parler plus précisément du concept de cette émission, de nous dire un petit peu aussi ses objectifs. Et là, à l'instant, on vient d'entendre un chanteur emblématique de la culture kabyle qui est Idir. Vous pouvez nous redire juste le titre et un petit résumé de ce qu'il nous dit à travers sa chanson. Eh bien, donc le titre c'est Avava Inouva. Et cette chanson parle de la difficulté de vivre, parce que les jeunes ont envie de s'envoler, vivre leur vie. Et donc c'est une jeune femme qui parle à son père. Elle aura envie de vivre, mais bon, c'est de vivre sa vie. Et... sa vie de femme. Oui. Et c'est vrai que pas forcément très simple parfois de la vivre dans du côté de l'Algérie ou oui, voilà, dans des sociétés qui sont quand même assez moins simples qu'en France en tout cas. Et, oui, beaucoup et moins. Et dire développe souvent et met à l'honneur un peu ces problématiques aussi et ses envies. Défend beaucoup la femme. La liberté et la femme. Surtout la femme. Oui, oui. La femme. Il a beaucoup de chansons qui parlent des femmes. Exactement. Donc, vous l'aimez bien dans l'émission Tiziri, Idir, oui. On peut le retrouver très régulièrement. Et puis aussi à l'ACB 54, on le dit comme ça, mais c'est l'association de culture berbère du département 54. Oui. Donc là, vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'on y fait à l'ACB 54, en dehors de l'émission Tiziri. Eh bien, en dehors de l'émission Tiziri, tous les samedis après-midi, moi personnellement, j'ai un atelier, ce qu'on appelle l'atelier de socialisation. C'est-à-dire que c'est pour rompre l'isolement un petit peu des femmes autour des arts créatifs, des arts de la laine. Mon atelier s'appelle « Les arts de la laine ». Donc j'apprends à celles qu'ils veulent, ou ceux, même les hommes sont acceptés, ce serait le bienvenu si y en avait qui voulaient venir. Le tricot, le crochet, la broderie, ou tout ce qui est créatif. Et en même temps, on discute, parce que ça, c'est un prétexte pour se rencontrer. Pour se rencontrer et s'aider mutuellement et se connaître mutuellement. Et il y a aussi, bon, maintenant, pour le moment, ce n'est pas encore commencé, mais il va y avoir bientôt des cours de kabyle qui vont recommencer certainement au mois de novembre. Si vous voulez apprendre le kabyle et encore mieux comprendre ce qui se dit dans l'émission Tiziri, vous pouvez y aller parce que c'est ouvert à tout le monde. Il ne faut pas être d'origine kabyle berbère pour accéder à l'association. Tout le monde est bienvenu, vraiment. D'accord. Donc, les cours de kabyle, c'est le samedi après-midi. Ensuite, donc, après, c'est mon atelier de socialisation jusqu'à 18h. Et puis, ça dépend. S'il y a du monde, on reste un peu. C'est suivant. Dans la semaine, c'est le directeur, M. Majid Archaoui, qui fait la permanence tous les jours, sauf le mercredi. Donc, les personnes qui ont envie de découvrir l'association ou qui ont un problème, qui veulent en parler, peuvent aller lui rendre visite. Ça se trouve aux 2 rues des Fabriques, à Nancy. Tout près de Fadjet. Tout près de Fadjet, oui, parallèle, la rue parallèle. Exactement. Donc, en gros, le concept, là aussi, de l'émission de l'association ACB 54, c'est vraiment, c'est pour ça que je me suis un peu trompée dans les termes, mais ça rejoint le concept de l'émission Tiziri, c'est-à-dire une ouverture et aussi permettre à des gens d'horizons différents de se rencontrer. Oui, c'est ça. Une ouverture sur le monde. Une ouverture sur le monde, la rencontre. Ça fait partie aussi du projet de l'ACB. Et puis aussi, vous disiez, des gens qui ont des soucis, qui peuvent venir aussi vous en parler. Parce que des fois, c'est peut-être pas quand simple. Quand on peut aider, on le fait. Voilà. Quand on et arrive. Quelle que soit la nationalité de la personne. D'accord. Oui, voilà, exactement. Donc, c'est pas uniquement des soucis de langue ou de compréhension. Il peut y avoir d'autres soucis et vous mettez en lien. Oui, pour faire des papiers ou pour simplement des conseils ou des médiations. Aussi. Donc là, il ne faut pas hésiter à pousser la porte de l'ACB 54. Et donc, on le rappelle, c'est rue des Fabriques à Nancy. Oui. Voilà. Donc, alors, on revient à l'émission. Tiziri aussi, cette belle émission de culture berbère. Donc vous, Yolande, ça fait combien de temps que vous avez rejoint l'équipe? Un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans... Alors, on a bien compris que c'était aussi votre attirance pour cette culture berbère. Hein. Vous êtes, on le rappelle, d'origine, vous, normande. Oui. Et vous avez épousé un Kabyle et du coup, qui vous a fait découvrir cette culture. Donc, il y avait déjà cette attirance pour la culture berbère. Mais l'outil radio en lui-même, faire de la radio, ça vous était déjà passé par la tête ou... Non, pas du voilà. tout. C'est bon, parce qu'au début, Majid, donc le directeur, m'avait demandé de créer une petite bibliothèque parce qu'il y avait beaucoup de documentation. Et il m'a demandé de venir parler de la bibliothèque à la radio. D'accord. Donc il y a 2 ans. Et l'animateur principal de l'époque m'avait proposé de faire une chronique littéraire chaque semaine et j'ai commencé comme ça. D'accord. Et au début, bon, je parlais des livres et ensuite, maintenant, je parle un petit peu de tout mm-hmm. ce qui concerne la culture. D'accord. Et c'est un outil qui vous intéresse vraiment bien. Vous avez découvert des choses à travers cet outil-là. Ben oui, oui, parce que c'est passionnant. Mmh. Et puis, on peut toucher beaucoup de gens grâce à ça. Et moi, j'ai des auditeurs, même qui, de l'autre côté de la Méditerranée. J'ai même un auditeur en Angleterre. On nous écoute d'un peu partout. Et qui, après, m'envoie des messages sur Facebook pour donner leur avis sur ma chronique ou sur l'émission. Ah oui. Donc ça booste, hein. Ça donne aussi la pêche en disant ben, oui, on est écouté. Tout à fait, on se dit, hein, on sert vraiment à quelque chose. Mais complètement, et comme vous dites, maintenant avec internet, on peut être écouté aussi très loin. Oui, puisqu'on peut être écouté en podcast aussi. Aussi, exactement, l'émission Tiziri est en podcast sur le site de Fadjet. Mais en tout cas, en direct, c'est tous les samedis, on le rappelle, entre 12h et 13h voilà. sur le 94.2. Si vous avez envie de... Voilà, parce que c'est une émission vraiment qui s'écoute de manière très agréable, où il y a vraiment... on sent une dynamique souvent entre les uns et les autres, où chacun amène un petit peu, c'est ce que vous disiez, une petite partie de ses centres d'intérêt, de sa culture, et on peut découvrir des choses différentes à travers cette émission. Donc, un petit conseil, branchez-vous si ce n'est déjà fait le samedi à midi pour ce rendez-vous avec la culture kabyle et berbère. Merci Fabienne. Voilà, alors on va continuer, bien l'émission n'est pas terminée, mais avec un autre artiste aussi très engagé, hein, qui l'a d'ailleurs payé de sa vie. Oui, Matou Blounès. Mm-hmm. Et il est très très important. Matou Blounès est un personnage très très important dans notre association puisque chaque année on lui rend hommage au mois de juin. On va déposer une gerbe parce qu'il y a une allée Matou Blounès à Nancy sur le plateau de Haye et chaque année on lui rend hommage. Voilà, et ben nous on va lui rendre hommage en l'écoutant sur l'antenne de Fadjet. Matou Blounès. اسمك اللي غسيدي سيم يفهم غيب ورندي يخفيو قبر تحكيم غرمي دلفينيم رحب ير في زي وذبهيم ولا شهر راي دهواوين هاي النايل هاي النايل سيد السوض قد حقا ذيك ويفسيم تيم قوى يفيد جبذو يقول بيه غزد حرفي جمرس أكنا صوفي حر هاي النايل هاي النايل شواليو في اللي ميقي عند وحده وسقس طمع وغير الزهري وحضر باك ميد ثلس المريرة تزي قسيو إيماني وحود ضغطي لصغر ثوس يمغر بجيو هاي النايل هاي النايل جاري ضيط ولي وذاين ولد سمني مسلو أمي يخفض شطيط أم فخار ذل قضيين وزاق ذل شلاب وذل قطيط نغش نور بريز كل يزري ذل زمر ديو ثقيل استخريط هاي النايل هاي النايل Fadjet. De retour avec Yolande, qui est d'origine normande, mais qui est coordinatrice de l'émission Tiziri sur l'antenne de Fadjet tous les samedis entre 12h et 13h30, l'émission Tiziri, l'émission de culture berbère sur l'antenne de Fadjet. Alors, on a vu que c'était une émission avec des rubriques, des chroniques différentes qui permettent de mieux comprendre votre culture, enfin votre culture même adoptive pour vous, Yolande, oui. Mais la culture en tout cas kabyle. On peut dire que c'est la mienne. Ouais, voilà, exactement. Ben on le sent bien dans ce que vous dites. Hein. On sent qu'il y a vraiment... vous l'avez adoptée, cette culture-là, et c'est ça qui est chouette. Et vous avez envie de la partager aussi avec d'autres. Alors, on a vu plein de chroniques différentes. Et puis, vous avez aussi régulièrement des invités, je crois, dans votre émission. Oui, des invités, des artistes, des écrivains. Donc, prochainement, on n'a pas encore les dates, mais on l'annoncera dans l'émission. On a un projet de faire venir un écrivain d'origine bretonne, Ernest Jouzel, qui a écrit deux livres sur la Kabylie, puisqu'il a été enseignant dans les années 70, dans une région qui s'appelle Wadias. D'accord. Donc ça, il faut être à l'écoute de Tiziri pour avoir la date l'émission précise. L'émission sera construite autour de cet écrivain. Ouais. Je donnerai les dates dans une prochaine émission. D'accord. Et puis aussi, on parlait tout à l'heure de l'association de culture berbère qui porte un peu cette émission Tiziri. Cette association organise régulièrement aussi des événements et il y en a un à venir bientôt. Oui, le prochain événement qu'on organise, c'est le cinéma d'automne. Mmh. Avec la projection de deux films amazigh en version sous-titrée. Ce sera donc sur deux jours. Le premier film, le 9 décembre, à la salle des fêtes de Vendeuvre à 20h, suivi d'un débat sur un grand personnage historique qui s'appelle Lala Nsoumer, Lala Fatma Nsoumer. Mmh. Et le lendemain, le 10 décembre, donc... toujours à la salle des fêtes de Vendeuve, la projection d'un autre film suivi d'un débat qui a pour titre Le Menteur. D'accord. Donc deux films, là aussi, avec expression, toujours à la suite, pour essayer d'échanger aussi sur suivi d'un débat. Vu, toujours suivi d'un débat. Donc ça, c'est votre rencontre cinéma d'automne, et ça se passe les 9 et 10 décembre prochains, c'est ça, à la salle des fêtes de Vendeuvre. Donc c'est là ça. Aussi, si vous avez envie de rencontrer concrètement les animateurs aussi de votre émission Tiziri, je pense qu'ils sont présents à la projection de ces deux films, et ben c'est possible aussi de se rendre à Vendeuvre à ces deux dates-là. En tout cas, un grand merci Yolande de nous avoir parlé de cette émission qui vous tient à cœur, on le sent, et ça s'entend sur l'antenne de Fadjet, l'émission Tiziri, à découvrir les samedis entre 12h et 13h. Donc on vous dit à samedi prochain. À samedi prochain, Fabienne, merci. Eh bien, merci à vous et bonne soirée sur l'antenne de Fadjet. Mercredi 19h, 19h30, Midi in Fadjet, l'émission des émissions de Fadjet.